Vous me citez les gens qui appartiennent aux sciences humaines. Les gens dont la pensée est appauvrie et qui ne peuvent pas, faute d'utiliser leur langue maternelle parce qu'ils remettent leurs travaux à des revues qui sont uniquement anglophones, ce sont des gens des sciences dures, des sciences exactes et pas du tout des gens des sciences humaines, que, pourchassés par le nazisme et mis en très grand péril, un très grand nombre de penseurs des sciences humaines européens aient trouvé refuge aux États-Unis, personne ne les niera, c'est un fait historique. Et qu'ils ont écrit en anglais, et la majorité de leur œuvre en anglais, et que cette œuvre conserve un intérêt fantastique. Ils l'ont fait pour la bonne raison qu'ils sont allés dans un pays anglophone, c'était pas leur langue d'origine. D'autre part, ce que je dis, vous semblez avoir lu le livre, mais peut-être pourrais-je vous inviter à le relire encore, c'est que la mondialisation, à certains moments, est apparue comme la dernière arme des États-Unis pour conjurer leur déclin, que par ailleurs d'autres s'en soient saisis, et qu'elle ait permis à la Chine notamment, et à d'autres puissances montantes, de devenir aujourd'hui des pays très importants dans le monde contemporain, je ne le nie nullement, c'est l'évidence même. Et d'autre part, pour la façon dont vous considérez, que je considère moi-même, l'attitude des États-Unis, c'est jusqu'à 1970, 75, 80, c'est-à-dire lorsque, dans le sillage de leur victoire après la Seconde Guerre mondiale, ils pouvaient avoir encore une manière de faire chanter le monde, que les États-Unis ont profité de cette diffusion. Aujourd'hui, les fauteurs principaux de la diffusion de l'anglais, ce sont les pays complètement américanisés de l'Europe occidentale, de l'Asie du Sud-Est. Ce sont ceux-là, et pas les États-Unis. Par conséquent, ce à quoi j'en ai, finalement, ou ce pourquoi je lutte, c'est non pas du tout une lutte d'arrière-garde contre l'américanisation, c'est une lutte pour la diversification, la diversité, c'est cela mon principal objectif. Je suis, le français n'est nullement sur ce point une arme contre les États-Unis. La France n'a pas les moyens, ni peut-être l'ambition de supplanter sur ce plan la culture américaine par sa langue. Ce que je souhaite, ce qui me paraît du reste être l'avenir, que je vois profiler à l'horizon, c'est la diversité des cultures. Or, qu'on le veuille ou non, les Américains, souvent des néo-américains qui la défendent, qui la portent sur ses fonds baptismaux, ce sont des gens d'origine étrangère aux États-Unis qui ne se sont pas fondus complètement dans le melting pot américain et qui, par conséquent, portent en eux la diversité des cultures. Je dirais pour terminer que l'inspiration principale de mon livre, elle est américaine. Ce sont des amis américains qui m'ont convaincu de l'écrire. Ce sont des Américains éclairés, extrêmement critiques eux-mêmes de ce qui se passe aux États-Unis, qui m'ont dit « Mais qu'attendez-vous pour que l'Europe connaisse un véritable sursaut culturel et cesse de nous offrir de pâles répliques de notre propre culture ou de notre propre sous-culture ?» C'est cela, ma détermination. Par conséquent, c'est un livre non seulement pro-américain, mais inspiré par de bons Américains. Brice Couturier ? Oui, ça montre bien effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous parlez d'idéologie américaine, ça ne veut rien dire, puisqu'en réalité, à l'intérieur même des États-Unis, il y a énormément de courants qui sont critiques. Je ne crois pas jamais parler d'idéologie américaine. Ah si, écoutez, je peux vous en citer quelques pages. Je dis au début du chapitre 2, jusqu'à ce que les Américains soient en déclin, qu'il y avait une politique d'ouverture du monde à l'anglais. Ensuite, ça s'est inversé. Reste que cette diversité des cultures que vous évoquez, et que je trouve aussi bien sympathique, cette diversité des cultures, elle est vitale, je suis d'accord avec vous, elle exige la libre communication entre les États. Et vous battez contre cette libre communication. Mais pas du vous tout, pensez que c'est un agent du libéralisme américain. Mais pas du tout, ce contre quoi je me bats, c'est... Claude Gège. Pardon. Ce qui a été dit ouvertement, et je cite un certain nombre d'auteurs américains, à savoir que sous prétexte de la liberté de communication, ce que les États-Unis voulaient faire, c'était de supplanter les agences d'information, notamment Reuters pour les Allemands britanniques et Havas pour la France, qui semblaient aux Américains avoir accaparé toute la culture durant les années qui ont précédé et pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient cette critique ? Pour supplanter par leurs propres agences à eux. Et par conséquent, ce à quoi j'en ai, c'est non pas, bien entendu, une liberté de communication que, comme n'importe quel esprit normal, je défends et pour laquelle je me battrai, c'est l'accaparement, la saisie de cette liberté sous prétexte de défendre les communications par un seul et même ensemble culturel qui est celui des agences d'information américaines. C'est cela que je dénonce. C'est explicitement dit au début, moins maintenant parce que le déclin américain fait qu'ils n'en ont plus les moyens, mais jusqu'aux années 70-80, c'était explicitement ce qui était dit. Les agences qui diffusaient l'information dans le monde étaient hostiles à la liberté. Cette liberté a été considérée, a été en réalité une liberté des États-Unis de s'arroger à eux-mêmes, exactement comme les gens qui défendent le libre-échange, défendent la liberté soi-disant, mais quelle liberté ? Celle de faire du profit et d'écraser tous les malheureux qui n'en ont pas les moyens. Enfin, le Qatar a lancé une chaîne d'information concurrente de CNN qui marche pas si mal, et si cette libre circulation de l'information concoctée, je vous cite, les Américains, jusqu'à cette époque, les autorités américaines étaient parvenues à imposer le grand principe de la libre circulation de l'information, concoctée, comme on l'a dit plus haut, sans autre but que d'assurer l'hégémonie américaine. Bah oui. Bah, écoutez, la preuve que non, c'est que maintenant il y a cette chaîne qatari qui a fait davantage pour les révolutions arabes que CNN en Égypte. Mais c'est des choses extrêmement régionales. Voyons, CNN c'est mondial. La chaîne qatari vient de une région. Donc ça a instauré l'hégémonie américaine. Vous n'allez pas comparer quelque chose de régional, de limité au monde arabe, avec la prétention mondiale, universelle de CNN et chaîne américaine. Grâce aux satellites que vous condamnez tant et dont vous exigez que les États puissent interdire l'implantation au-dessus, enfin des antennes, des satellites qui reçoivent ces images satellitaires dont vous exigez que les États puissent avoir le droit d'interdire, le monde entier où il y a des gens qui parlent arabe reçoivent cette fameuse chaîne. Et c'est une bonne chose. C'est ce qui s'est passé précisément. Pardon ? Oui, je vous en prie. Ce qui s'est passé, vous le savez, c'est qu'à un certain moment, qui a amené les États-Unis même à cesser de contribuer à l'UNESCO, tellement ils étaient indignés de cette espèce de mise en cause de leur suprématie. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, il y a eu un réveil des nations qui, de plus en plus, se sont aperçues que l'accaparement de l'information et de la communication, chose capitale dans le monde contemporain, par les seules chaînes américaines, était une menace pour leur liberté. Et donc, ici, il y a un sursaut qui est mondial. Il est accompagné d'un relatif déclin économique auquel nous n'aurons pas grand intérêt, parce que nous sommes tout de même, enfin, en tout cas, l'Occident, dans le même camp que les États-Unis, et qui sont une sorte d'amitié contrainte avec laquelle nous avons intérêt à nous maintenir en bonne relation. Mais cela dit, la dispute, la remise en cause de la suprématie américaine n'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui a eu lieu à partir du moment où on s'est aperçu que l'américanisation du monde à travers l'information entièrement entre les mains d'agences d'information américaines était une menace à la diversité, cette diversité pour laquelle je me bats bien plus que contre les États-Unis. Et comment expliquer, Claude Agech, cela dit que ce soit les États-Unis et la Grande-Bretagne qui sont les pays où on étudie le moins les langues étrangères? Est-ce que ça fait partie justement de ce que vous dénoncez par ailleurs? Il y a une sorte de logique là-dedans. C'est pas normal du tout, mais c'est humain. Ouais. C'est une sorte de réaction explicable. À partir du moment où leurs nationaux sont convaincus que leur langue maternelle, enfin dominante, est parlée dans le monde entier, pourquoi diable se prendrait-il la peine d'apprendre les langues étrangères? Alors que pour moi, l'apprentissage des langues étrangères est un minimum de respect humain, c'est le début même de l'apprentissage des cultures étrangères, et que par conséquent, le fait de s'en remettre à une langue, ce que j'ai, surtout celle-là, ce que j'ai contre elle notamment, c'est ceci, je n'ai rien contre l'anglais proprement dit de manière intrinsèque, c'est contre la situation socio-économique surtout que je me bats. Ce que j'ai contre elle, c'est que, contrairement au latin, contrairement à l'espéranto ou aux langues qu'on invente, l'anglo-américain, à vocation mondiale permettant une communication plus facile, se trouve être la langue des pays les plus riches du monde, des pays industrialisés. Si ce n'était pas cela, j'aurais rien contre lui. Mais il se trouve que cette langue n'est pas une langue innocente, ce n'est pas n'importe quelle langue. Le latin, tant qu'il a été une langue à vocation européenne, pas mondiale, contrairement à ce que disent les Européens, européenne surtout, n'était plus depuis très longtemps une langue de pouvoir. L'Empire romain, depuis le 5e siècle, avait éclaté et par conséquent, il ne présentait pas le même danger qu'une langue à prétention ou à vocation mondiale, qui est en même temps la langue des pays les plus riches. C'est cela que je récuse, ça paraît le bon sens. Alors, est-ce que, cela dit, l'homme a longtemps rêvé ou rêve régulièrement, au fond, de créer une langue commune? Il y a eu ce projet jamais abouti qui était l'espéranto. Est-ce que l'anglais va, selon vous, tout de même devenir, une fois pour toutes, un jour, une langue universelle? Je viens à l'instant même de le récuser, en disant que sa vocation d'universalité, vous me demandez s'il va le devenir. La réponse est non, pour une raison très simple. C'est qu'il arrive à l'anglais, en vertu de la loi de diversification des espèces dont j'ai parlé, diversification des espèces zoologiques, botaniques, etc. Les langues sont des espèces vivantes, elles aussi. Il arrive à l'anglais une chose très simple. Sous nos yeux, nous le voyons, il arrive à l'anglais de se diversifier, se créoliser. Aujourd'hui, dans le congrès linguistique, nous avons de plus en plus une journée entière consacrée à ce qu'on appelle NNVE, Non-Native Varieties of English. Non-Native Varieties of English. Les variétés non natives de l'anglais. C'est-à-dire, pour prendre trois exemples asiatiques, l'anglais indien, l'anglais birman, l'anglais thaï, trois exemples africains, l'anglais nigérian, l'anglais tanzanien et l'anglais de Côte d'Or. Dans ces trois cas, dans ces six cas, africains et asiatiques, nous avons affaire à des langues constitutionnelles. En Inde, c'est la langue de la Constitution. On ne voulait pas en récuser le hindi, en récuser le punjabi, en récuser la langue de Calcutta, toutes ces langues indiennes. Et par conséquent, l'anglais comme langue officielle devient finalement une langue dont les pratiques locales sont de plus en plus éloignées de la norme, disons, de Oxford ou des Great Lakes, Chicago, Detroit pour les États-Unis. En d'autres termes, l'anglais est en train, sous nos propres yeux, d'être soumis à une loi qui est une loi naturelle. Il se diversifie, il se créolise. En d'autres termes, la vocation mondiale de l'anglais comme langue unique, non seulement ne fait que reprendre une illusion très ancienne, vous l'avez vous-même qualifié d'un rêve qui est une illusion humaine, Mais d'autre part, est condamné par l'évolution des espèces et par sa propre créolisation. En d'autres termes, c'est une sorte de confirmation apportée à quelque chose de naturel. Si les langues, l'espéranto notamment, contre lesquelles je n'ai rien, bien sûr, qui ont été inventées depuis quasiment l'origine des temps par des gens qui, contrairement à moi, n'étaient pas des amoureux fous de la diversité. Oui, c'est ça. C'est ça qui est un objet d'amour, et non pas le fait de simplifier les choses, croit-on, avec une langue unique. C'est le contraire, mais c'est une forme d'oppression, ça n'a aucun sens. C'est inspiré, naturellement, par des visées idéales, c'est quoi, généreuses. C'est une espèce d'utopie, mais qui ne verra jamais le jour. Redoutable, parce que le respect des cultures, c'est le respect de leur diversité, et non pas l'imposition, fut-elle d'inspiration pacifique, d'une langue unique. C'est pas du tout ça que les gens veulent. Regardez ce qui s'est passé depuis le classement du RSS. L'ukrainien, les langues baltes, l'estonien, le letton, le lituanien, sont des langues qui, à côté du russe, étaient, à l'époque soviétique, des langues naturelles, nationales. Elles sont en ce moment en train, tout comme le croate par opposition au serbe, depuis l'éclatement de la Yougoslavie, de revendiquer leur place au soleil, en d'autres termes, ce que nous voyons sous nos yeux, et qui annonce bien ce que serait le destin, non seulement de l'anglais, mais de toute tentative d'une langue universelle, c'est une très forte crise identitaire, un très fort désir d'affirmer son identité culturelle à travers sa langue. C'est vers cela que va l'univers, indépendamment même d'une loi naturelle qui est aussi une loi de diversification. C'est ça que mon modeste ouvrage a essayé de suggérer simplement.